parmi. Je n'ai pas cru à cette image. J'ai bien pensé que c'était un mirage. Mais au moment où elle m'a souri, là j'ai compris que c'était parti. Je me suis alors mis à courir. Elle était mon seul point de mire. Dans cet hôtel de cocité, toute cette chaleur était enivrante. Je me suis mis à gravir la pente de ses seins afin de descendre jusqu'au rein avant de comprendre que je sentais monter la jouissance quand j'ai touché son étroit sens.